Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et ni un mot m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nanani nayomini, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelana, zongelana, mon bébé. Zonga. J'donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné mais toi t'as tout gâché. J'donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Loin de toi c'est recommence à zéro, recommence à zéro. Amour n'a réveillé, oh maman. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché.